Mesdames et messieurs, la compétition peut commencer. Se présente sur la piste de tumbling, track de l'enseigne de l'aisance. Musique, disposez de 30 secondes avant de vous présenter et de vous lancer quand vous voulez. Ok. J'attaque le mic comme une rondade en début de piste. Faut que j'assure ma série comme un show à Urban Peace. 6 secondes en moyenne pour parcourir les 25 mètres. Vas-y balance ta diff avant que ton collègue te la mette, hein. Tumbling pour nom de code, voici le thème gros. J'suis efficace et solide comme sur une série de tempo. Fais attention si t'as la vision troupe. J'suis sur la fin de mon flip, je vais balancer mon double. Yeah, sport de tapette, t'as raison. J'ai autant de répartie qu'un double tendu de liaison. De la 5 à la 8 touches, c'est la folie. Si tu penses que j'pars en vrille, c'est parce que j'suis sur un full in. La saison s'annonce dure, alors écoute, accroche-toi comme si t'étais en déséquilibre sur une poutre. Je rends hommage à une discipline exemplaire, pas pour les PD, mais ceux qui aiment avoir la tête en l'air.